qualité de l'air. Je cherche un lieu héliotropique. Manger des fruits et des légumes verts. En plus, c'est beaucoup plus économique. Fermer les yeux mais voir le soleil. Donner la réplique à la lune. Lever les mains et toucher le ciel. Que ça devienne une habitude. Je voudrais qu'elle soit et ma mie dans le savoir la vie. Si la vie n'est pas ce que je voudrais qu'elle soit et ma mie dans le savoir la vie. Si la vie n'est pas ce que je voudrais qu'elle soit et ma mie dans le savoir la vie, la vie. Une rivière, des olives et des cacahuètes, et des nanas qui remplissent mon verre. De quoi je sais pas, c'est pas net. Rencontrer des gens intéressants, faire la papote et la popote. Une carte postale de temps en temps, des grenades et des bergamotes. Je voudrais qu'elle soit et ma mie dans le savoir la vie. Si la vie n'est pas ce que je voudrais qu'elle soit et ma mie dans le savoir la vie. Si la vie n'est pas ce que je voudrais qu'elle soit et ma mie dans le savoir. Je voudrais qu'elle soit et mamie dans le